En Corée, au chantier de construction de l'avenue de Myon, où se crée la vitesse de maniement, les activités de propagande et animation se livrent dynamiquement. En mars, les membres des troupes artistiques et des troupes d'animation artistique mobile de nombreuses unités, comme les troupes artistiques centrales, les formations des travailleurs et les grandes écoles, ont encouragé les constructeurs qui accélèrent l'achèvement des travaux.